Au fil de l'eau, avec la Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Bonjour et bienvenue sur Fadjet pour votre chronique au fil de l'eau en compagnie de François. Bonjour François. Bonjour. Qui est toujours chargé de développement pour la Fédération de Meurthe-et-Moselle pour la pêche et la protection du milieu aquatique et que nous avons plaisir à retrouver ce mois-ci. Et ce mois-ci, eh bien, on va sortir la lampe frontale, on va sortir la tente, la polaire, parce qu'il ne fait pas très chaud la nuit, parce qu'on va parler de la pêche de la carpe la nuit. Tout à fait. C'est depuis le 1er avril que c'est de nouveau autorisé. Hein. C'est ça. En fait, il faut savoir que la pêche de nuit, globalement, est interdite. Hein. Oui, exactement. C'est interdit pour tous les poissons, d'ailleurs. C'est interdit pour tous les poissons, sauf la carpe et, ce qui est important de préciser, sauf la carpe, sur certains secteurs bien spécifiques qui sont définis, en fait, en relation avec la préfecture. Donc, c'est un arrêté préfectoral. C'est le préfet de Meurthe-et-Moselle qui prend un arrêté pour dire « Ok, sur tel secteur, tel secteur, tel secteur, on peut pêcher la carpe la nuit, donc tu l'as dit, à partir du 1er avril, et ça jusqu'au 31 octobre. » Voilà, donc ça c'est bien défini, c'est bien clair, on retrouvera bien sûr les lieux hein, sur le site de la Fédé. Alors pourquoi la carpe plus particulièrement est autorisée à la pêche la nuit? Alors c'est une excellente question à laquelle je n'ai pas la moindre réponse. Merci François, rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Non, en vrai, il n'y a pas d'explication. En vrai, je ne sais pas du tout. Alors, je pense qu'il y a aussi quelque chose, c'est qu'il y a c'est une pratique qui s'est quand même beaucoup développée, la pêche de la carpe dans les années 80. La carpe étant un poisson quand même avec une forte attractivité, à la fois de par sa taille et donc de par sa combativité. Donc en gros, il y a quand même beaucoup de pêcheurs qui la recherchent. On peut imaginer que ces pêcheurs-là, au fil depuis les années 80-90, ont aussi investi ont fait un petit peu de lobby auprès des instances et notamment des institutions officielles qui gèrent la réglementation de la pêche. Hein. Je parlais de la préfecture, mais c'est aussi c'est le code de l'environnement qui permet au préfet d'avoir ces dérogations-là de pêche de nuit. Et voilà. Il y a moins de pêcheurs de brème ou de tanche qui ont peut-être su faire bouger un petit peu la réglementation. Ce poisson est plus facile à attraper la nuit aussi, peut-être? Il y a une raison de ce côté-ci? Alors, c'est pas forcément plus facile. Disons que la carpe, elle aura tendance à se nourrir davantage la nuit quand il fait chaud. Donc vraiment, l'intérêt par rapport à la capturabilité, hein, aux chances de capture d'un pêcheur de carpe, il sera meilleur effectivement de pêcher la nuit quand ça sera l'été, quand il fera vraiment chaud. Parce que les carpes auront tendance à, quand l'eau se réchauffe la journée, se reposer tranquille. Et quand l'eau se rafraîchit un petit peu la nuit, un petit peu plus manger. Donc en ce moment, on n'y est pas. Il fait pas très chaud. C'est pas terrible. L'avantage, c'est qu'on peut pêcher deux fois plus longtemps. Donc, qui dit on pêche deux fois plus longtemps, dit forcément on a plus de chances quand même d'attraper un poisson. Plus de probabilité, effectivement. Mais par contre, il faut être quand même motivé, parce que la nuit, c'est pas compliqué. La première qu'on choisit, en tout cas. Ouais, et puis alors ça nécessite une préparation, hein, notamment une reconnaissance du poste sur lequel on veut pratiquer. Donc évidemment, en tout premier, qu'il soit bien autorisé dans les parcours par arrêté préfectoral. Donc préfectoral, oui. On a une petite Google Map là, sur le site de la Fédé, où on peut voir si c'est autorisé. Et donc bien préparé pour des questions de sécurité, évidemment. On va pas sur un poste qu'on connaît pas la nuit, quand on voit rien, avec une mauvaise lampe, on risque de tomber à l'eau, etc. Donc on reconnaît le secteur. Et puis après, on s'équipe effectivement en matériel de camping, de bivouac. C'est vrai que il y a des gars qui pêchent, il fait 0 degré, 1 degré. Faut avoir déjà un sac de couchage qui tienne la route pour si on veut passer un bon moment et pas que ce soit un enfer. Je sais pas si vous avez dormi avec 0 degré. Quand on a un très bon sac de couchage, ça passe. Oui. Quand on a un sac de couchage d'été, on dort pas bien. Voilà, donc faut vraiment être motivé. On a une petite idée du nombre de pêcheurs de la carpe, ça représente beaucoup de monde. Les pêcheurs de nuit, c'est quelques milliers de pêcheurs à l'échelle de la Meurthe-et-Moselle, en sachant qu'il y a un vrai tourisme de pêche de la carpe de nuit. D'accord. C'est des personnes qui n'hésitent pas à faire plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres pour aller pêcher et se faire des sessions entre potes de 2, 3, 4 jours. Il faut savoir qu'il y a aussi ce qu'on appelle des enduros, c'est-à-dire que c'est des concours de pêche justement, de la carpe. J'allais venir, oui. Sur plusieurs jours, hein, dont la nuit. par équipe, et du coup ça mobilise pas mal de monde. Quoi. Voilà, d'ailleurs le 15 avril il y en a une, c'est la APPMA de la Gaule d'Amboise qui en organise un du côté de l'étang de Bayon par exemple. Voilà, alors c'est pas, là c'est pas tout à fait un enduro, c'est disons qu'ils ouvrent leur étang à la pêche de nuit. C'est pas forcément des concours, là c'est voilà, vraiment une ouverture c'est spécifique. C'est pas un concours, c'est voilà, juste une ouverture, une autorisation qui est donnée aux pêcheurs de nuit de pouvoir pratiquer sur cet étang-là. Donc on regarde sur l'agenda de du site de la fédération, il y a certains étangs, voilà, certaines associations de pêche qui ouvrent leurs étangs certains week-ends à la pêche de nuit. Donc on peut regarder ça sur www.pêche-54.fr. Voilà, il y en a régulièrement d'organisés. Pour revenir sur la carpe, tu l'as dit, c'est quand même un poisson qui est assez recherché dans sa compatibilité. Ça peut aller jusqu'à quel poids, quelle taille, hein, une carpe? Alors les plus grosses carpes, les plus grosses carpes, c'est 35, 40 kilos, c'est vraiment... C'est exceptionnel là. C'est peut-être même c'est le record de France. Déjà 30 kilos, c'est déjà une barre extraordinaire. 30 kilos, c'est énorme. C'est un sac de ciment en plus qu'un sac de ciment. C'est énorme et c'est 30 kilos de muscles sur des poissons qui ont l'habitude de. Voilà, c'est des poissons, c'est des animaux sauvages, hein, donc ça a de la force. Et qui restent assez collés au fond de l'eau, de l'étang en général. Hein, c'est ça. Une carpe, globalement, se nourrit sur le fond. Alors, des fois, l'été, si l'eau est claire, vous vous promenez dans certains cours d'eau, au bord de certains cours d'eau ou plans d'eau, vous pouvez voir des carpes un petit peu en surface ou en subsurface se balader. On peut les voir, c'est pas des poissons qui sont en train de se nourrir, c'est des poissons qui sont en train de se reposer, balade, entre guillemets, de se promener, de reconnaître un peu, de se chauffer le dos, hein, au soleil. Mais la carpe, en fait, quand on regarde une carpe, ça a la bouche vers le bas. Et ça a une bouche qui se déplie un petit peu, là. Je dis pas comme un alien, mais vous voyez, ça se... Comme un tuyau d'aspirateur. Et c'est marrant, si vous avez l'occasion de voir des carpes se nourrir, d'ailleurs. Alors, il y a des vidéos sur YouTube. Hein, on voit, c'est vraiment un aspirateur. Elles aspirent le fond. Et elles se nourrissent, voilà, de petites larves qui vivent dans la vase au fond des cours d'eau. Et des plans d'eau, des mollusques, tout ce qu'elles peuvent un petit peu trouver. C'est assez omnivore. De temps en temps, elles rechignent même pas à croquer un petit têtard ou même un petit poisson qui passe par là. Merci beaucoup François. Une petite question de Vincent qui est en stage cette semaine avec nous à Fadjet. Et une petite question Vincent pour François, je t'écoute. Alors moi j'avais une question concernant la pêche de nuit. Oui. Est-ce que c'est en libre accès ou il y a besoin de s'inscrire auprès des préfectures ? Il n'y a pas besoin de s'inscrire. La condition c'est d'avoir une carte de pêche parce que pour pêcher il faut avoir une carte de pêche. Et une carte de pêche c'est une carte de membre d'association de pêche qui est agréé par la Fédé, moi qui m'emploie. Comment avoir une carte de pêche? C'est assez simple. Hein. Soit tu peux aller sur le site cartedepêche.fr, c'est un site internet sur lequel tu t'inscris, tu choisis ta carte et ton association, tu la payes, et une fois que tu l'as payée, tu as un document en PDF qui s'affiche, et c'est ta carte de pêche, tu peux l'imprimer ou la laisser dans ton téléphone. Pour les personnes qui ne sont pas très à l'aise avec l'informatique, ça existe encore, Vincent, je t'assure. Et ben, on peut aller au magasin de pêche ou chez un dépositaire, on appelle ça un dépositaire, c'est un revendeur de cartes. Donc ça peut être un magasin de pêche, ça peut être un bureau de tabac. Il y a toute la liste sur notre petit livret ou sur le site de la Fédé. Et il te fait ta carte de pêche, quoi. D'accord, merci. Voilà. Voilà, l'occasion de rappeler qu'il y a des cartes de pêche à la journée, à la semaine, à l'année. Enfin, il y a différentes possibilités pour découvrir. Hein. Tout à fait. Et tout est sur les deux sites. Hein. Donc le site de délivrance des cartes nationales qui est cartedepêche.fr ou le site de la FED54 où il y a les tarifs. Et puis il y a des liens hypertextes qui permettent de naviguer entre ces deux sites-là. www.pêche-54.fr. Merci Vincent. Donc voilà, un poisson qui intéresse beaucoup et qui est donc capable de pêcher jusque fin octobre. Pour la nuit, ouais, sinon c'est ouvert toute l'année, hein, la pêche de la carpe, la journée, donc toute l'année sur tous les parcours de Meurthe-et-Moselle gérés par les APPMA. Et donc pour la pêche de nuit, il y a 39 parcours d'après l'arrêté préfectoral cette année. Tout donc, à fait. Toutes les Alors, infos, on retrouve ça sur le site. Hein. Deux petites nouveautés sur la pêche de nuit cette année, il y a un nouveau parcours sur la Meurthe au niveau de Dombasle. Donc ils ont fusionné deux parcours existants et ils ont mis en parcours de nuit ce qui était au milieu, donc ça fait un grand parcours maintenant. Et il y a l'étang fédéral Bourri à Moncelles-les-Lunéville, donc c'est un étang que gère la fédération, qui souhaite ouvrir un de ses étangs aux pêcheurs de nuit pour cette année. Alors si le 1er avril marquait l'ouverture de cette autorisation de la pêche de nuit pour la carpe, le 30 avril, c'est une autre autorisation qui est ouverte, donc c'est pour la pêche au brochet. C'est ça, un autre poisson très attendu, très apprécié, très pêché hein, chez nous en Meurthe-et-Moselle. Le brochet, ça reste le poisson le plus recherché par, on va dire, la moyenne des pêcheurs. Bah voilà, parce que c'est un poisson qui est beau, qui est puissant, qui est carnassier. Hein. Il y a cette espèce d'image du haut de la chaîne alimentaire aussi, qu'on peut aimer ou pas hein, d'ailleurs. Mais mais c'est c'est un super poisson le brochet. Hein. Donc on rappelle, c'est un poisson carnassier. Il mange des autres poissons. Il a 700 dents. Attention, quand on le manipule, on peut se couper. C'est vraiment, c'est des dents qui sont super coupantes. Et 700 dents. 700 dents, il a le brochet. Ouais. Donc, faut pas trop mettre la main dedans, quoi. Donc, on peut le pêcher en deuxième catégorie à partir effectivement du dernier samedi d'avril. Donc, cette année, en 2022, c'est le 30 avril. Quand je dis on peut le pêcher, c'est que la loi nous autorise de nouveau à ressortir le matériel et les techniques de pêche qui sont susceptibles de l'attraper de manière non accidentelle. C'est écrit comme ça dans le code de l'environnement. Je simplifie. Pêche au leurre, de nouveau autorisé, pêche au vif ou pêche au poisson mort, manié ou mort posé. Voilà. Quand je dis leurre, c'est cuillère, poisson nageur, leurre souple et toute la panoplie. Voilà, dont on a déjà évoqué ces questions dans différentes émissions d'Au fil de l'eau. C'est ça. Eh bien, voilà un mois d'avril attendu des pêcheurs, donc, avec une actualité bien chargée. Est-ce qu'il y a autre chose à annoncer peut-être? Alors, il y a un concours de pêche de la truite en plan d'eau qui est organisé par l'association de pêche Le Roseau de la Haute-Vezouze. Donc, c'est derrière, à côté de Blamont, là, dans le sud-est lunévillois. Donc, c'est le samedi 23 avril à l'étang de Val et Châtillon. Et les infos et les réservations sont à prendre au 06 85 52 93 68, on rajoute qu'il y a une participation de 15 euros par pêcheur et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Merci François. Merci à vous. Le mois prochain, on devrait s'intéresser à quoi? Alors, on va parler le mois prochain des débouchés professionnels dans le milieu de la pêche et on élargira alors de la pêche de loisirs. Hein. Attention, je ne parlerai pas de pêche professionnelle parce qu'on n'est pas sur Radio Quimper. Mais donc, de débouchés professionnels dans les métiers de la pêche de loisirs. Et plus globalement, peut-être de la protection des milieux aquatiques, parce qu'on rappelle que c'est quand même nos deux missions hein, des fédérations, dit fédérations de pêche par raccourci, mais c'est important de rappeler qu'on est fédération de pêche et de protection des milieux aquatiques. Merci beaucoup François. Retrouvez bien sûr cette émission en podcast hein, sur le site de la radio et toutes les autres, parce qu'il y en a quelques-unes déjà hein, de disponibles, donc pour avoir toutes les infos pratiques. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Au fil de l'eau, avec la Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique.